vigilant. Ce concept, venu des États-Unis, est en train de se développer en France. Des riverains qui décident de se regrouper pour veiller sur la tranquillité d'un quartier, mais certains habitants déplorent le climat de suspicion que ce type d'initiative peut engendrer. À l'entrée de ce lotissement, un panneau met en garde les cambrioleurs. Ici, les habitants sont des voisins vigilants. Depuis un mois, quelque chose a changé dans la balade quotidienne de cet habitant, un peu particulier. Il scrute, observe, écoute son quartier. Christian est ce qu'on appelle un voisin vigilant. Comme lui, plusieurs habitants de ce village du Cher ont été choisis par le maire pour devenir les yeux et les oreilles des gendarmes. Maria est elle aussi devenue une vigilante. Ce niçois en fait partie. Jérémy vient même de créer une communauté de voisins vigilants dans son immeuble. On ne sait jamais. À chaque sortie, à vélo ou en cyclo, cet homme se balade avec un œil attentif. Il est un voisin vigilant. En clair, chacun participe à la sécurité du quartier en alertant la police municipale ou la gendarmerie d'une présence ou d'un comportement suspect. Les voisins vont pouvoir, en un clic, prévenir l'ensemble de leurs voisins et la police d'un danger. Ça peut être un individu suspect ou ça peut être un cambriolage qui a déjà eu lieu. Il faut regarder, prêter attention, c'est éventuellement des voitures qui resteraient garées toute une journée. Ça pourrait nous attirer l'attention. C'est pas la dénonciation, c'est simplement rendre service à ses voisins. Le principe est de faire attention en fait à ce qui se passe au-delà de chez soi en fait, de regarder un petit peu les comportements qui peuvent paraître suspects. Ça constitue pas une milice, ce sont des gens qui font une action citoyenne de façon à venir en aide en fait à la police. On n'intervient jamais. Systématiquement, j'entends un bruit, j'entends une portière, j'entends quelque chose, je regarde ce qui se passe. Une voiture qui passe au ralenti. On signale qu'est-ce que c'est comme voiture. Nous sommes là vraiment pour remonter l'information auprès des forces de l'ordre. Et c'est justement ces informations qu'il faut maintenant divulguer à travers SMS ou par email à la gendarmerie pour que justement ils puissent aussi aller de l'avant au niveau de l'enquête et justement aussi arrêter cette vague de cambriolage. C'est-à-dire avoir une base de données de plaques d'immatriculation qui pourrait être suspecte, c'est ça? Exactement. Alors certains vont vous dire c'est de la délation. Alors non, on veut justement pas tomber dans la délation, c'est justement pas seulement observer le voisin par ses va-et-vient de ses visites personnelles, mais justement de véhicules avec des plaques d'immatriculation étrangères, souvent. C'est à n'importe quelle heure de la journée et du soir, quoi. Le soir à 7h ou à 8h, je peux prendre la mobilette, faire un tour, on jette un œil, on regarde les gens qui s'en vont en vacances, on essaye de savoir tous mes voisins, là je sais tous ceux qui sont partis, je sais qu'ils sont là et je suis là pour donner un coup d'œil. C'est du civisme, ça n'a rien avec la délation, d'ailleurs la police nous a bien mis en garde contre ça, on n'a rien à voir avec ça. Absolument pas une milice, et puis le fond jaune c'est parce que ça se voit, et c'est pas, il n'y a aucune idée de politique ni rien du tout. On a un œil vigilant de passer un petit coup d'œil, de toute façon personne traînait. On ne va pas se substituer à la police, mais bon c'est vrai que bon, on peut nous dire aussi que la police ne peut pas être partout, bon ça c'est certain. On a assisté quand même, surtout pour le quartier de la Ménardière, à des arrestations, ce qui est quand même intéressant de savoir qu'on est prête à relayer l'information et à apporter des renseignements auprès des autorités. Oh, ça consiste, pour être très simple, à être des yeux supplémentaires pour la police. Oui. Ou pour la gendarmerie. Quand on a quelque chose qui se passe, on peut simplement envoyer un SMS et tous les voisins vigilants le reçoivent. Je l'ai fait encore il y a 2 jours. Si vous avez entendu comme nous, vous aurez compris qu'il s'agit de voisins qui ne font pas de la délation, mais transmettent des informations à la police. Des voisins qui ne font pas de milice, mais qui patrouillent dans leur quartier. C'est le même discours dans tous les JT et dans tous les reportages. Quelqu'un leur aurait-il fourni quelques éléments de langage? Qui se cache derrière les voisins vigilants? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant sur leur site internet. Sur le site voisinsvigilants.org, on peut lire l'histoire du concept. En 2002, Brigitte Snyder, dont on apprendra qu'à l'époque sa villa s'était faite cambrioler 3 fois, la pauvre quand même, décide d'importer en France le concept de Neighborhood Watch en créant la première communauté de voisins vigilants en France dans sa ville de Saint-Paul-de-Vence. On ne sait pas trop ce qui se passe pendant 10 ans, puisque l'historique passe directement de 2002 à 2012, date à laquelle Thierry Chicha et Sébastien Arabaz développent une plateforme web et mettent à disposition des communautés voisins vigilants un certain nombre d'outils. Et si on ne sait pas ce qui se passe pendant ces 10 années, c'est que les 2 fondateurs de l'entreprise aiment entretenir le flou et la confusion sur l'entreprise dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 13 entre 2013 et 2015. Oui, oui. Et s'ils entretiennent un certain flou, c'est que le concept voisin vigilant recoupe en fait deux réalités. D'un côté, on a un protocole entre l'État, les polices, gendarmerie et les municipalités, et de l'autre, on a l'entreprise voisin vigilant. Pour comprendre cette confusion, il faut remonter en 2007, date à laquelle la première expérimentation de protocole participation citoyenne, inspirée de voisins vigilants, et même régulièrement nommée comme telle, voit le jour. D'abord dans les Alpes-Maritimes, fief de Ciotti, Estrosi et compagnie. Les expérimentations vont ensuite être élargies à quelques autres départements, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique et le Haut-Rhin. Le 12 juillet 2010, Brice Hortefeux, qui est alors ministre de l'Intérieur, envoie une lettre au préfet de police, aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, ainsi qu'au préfet. Il y rappelle que la lutte contre la délinquance suppose la participation d'un ensemble d'acteurs au premier rang desquels se trouvent les citoyens. Il ajoute que la démarche de participation citoyenne inspirée de la pratique des voisins vigilants présente un intérêt manifeste en matière de prévention de la délinquance. Hortefeux demande néanmoins à ce que l'expérimentation ne soit pas généralisée tout de suite, jugeant qu'il faut encore en renforcer le cadre juridique. Il faudra alors attendre juin 2011 que l'illustre Claude Guéant ponde une circulaire qui autorise à étendre l'expérimentation sur l'ensemble du territoire. En 2011, cette expérimentation porte déjà sur 29 départements et Claude Guéant ne veut pas s'arrêter là. Il demande l'extension du dispositif et en décrit les contours. On apprend alors que ces dispositifs s'adressent aux zones pavillonnaires, à celles où il y a un certain nombre de résidences secondaires, ainsi qu'aux zones rurales. À moins d'un an de l'élection présidentielle, il s'agit principalement de rassurer les riches, victimes de ce qu'il appelle la délinquance d'appropriation. Et pour ça, ce qu'ont imaginé les ministres de l'Intérieur depuis le début de l'expérimentation, c'est un programme de collaboration citoyen-police. L'idée est claire et écrite dans plusieurs lettres et circulaires. Les citoyens sont le maillon essentiel pour permettre à la police et à la gendarmerie de collecter des renseignements. Mais comme le disent bon nombre de flics, trop de renseignements tuent le renseignement. D'où la demande du ministre de l'Intérieur que les municipalités établissent des protocoles clairs et adaptés pour la collecte des dits renseignements, comme la création, par exemple, de citoyens référents, chargés de faire remonter les informations pertinentes à la mairie et aux flics. Claude Guéant ne s'en tient pas là. Dans sa lettre de juillet 2012, il informe que des travaux juridiques sont en cours pour consolider le dispositif et que les points de contact, les référents donc, pourraient bénéficier du statut juridique de collaborateur occasionnel de service public, un statut d'indic donc avec rémunération. Dispositif prévu par la loi LOPCI du 15 mars 2011, eh oui. En bon start-upper qu'il est, Thierry Chicha, trentenaire qui sent bon le MacBook Pro, a flairé le filon et commence à organiser la confusion entre les deux dispositifs. Donc le dispositif de l'État et le dispositif et ce qu'il propose en fait. En février 2012, il achète le nom de domaine voisinvigilant.org. En novembre de la même année, il dépose la marque Voisin Vigilant avant de créer avec son pote Sébastien Azabaz l'entreprise du même nom en mai 2014, alors qu'il en exploite déjà le fonds de commerce depuis le dépôt de la marque. L'idée de nos deux aventuriers en mode Startup Nation est simple. Fournir une plateforme web pour faciliter la délation de comportements jugés comme suspects. Grâce à un système d'alerte par SMS et une application mobile, Voisin Vigilant est le premier réseau social de voisinage qui permet de réduire les cambriolages tout en recréant du lien social entre les voisins d'un même quartier. Et quand on dit réduire les cambriolages, c'est réduire vraiment de façon efficace. En pratique, donc moi je vais m'inscrire sur cette plateforme internet, je vais saisir mon adresse. Instantanément, le logiciel, le système informatique, va identifier que j'habite à tel endroit et va m'envoyer par voie postale un courrier avec un code d'activation. Je vais avoir accès à un annuaire avec les coordonnées de tous mes voisins, leurs photos, leurs noms, leur téléphone portable, à une gazette, c'est-à-dire un journal de mon quartier. Et enfin et surtout, je vais bénéficier d'un système d'alerte extrêmement perfectionné qui va me permettre en deux clics depuis mon smartphone ou tout simplement par SMS d'alerter l'ensemble de mes voisins lorsque je remarque un comportement anormal dans mon quartier. Le chiffre d'affaires ne cesse alors de grimper en même temps que le nombre de volontaires à la délation va croître. En 2012, le chiffre d'affaires est de 2 516 €. L'année n'est pas complète. En 2013, 20 475 €. En 2014, 125 800 €. Et en 2015, le site société.com annonce un chiffre d'affaires de 266 500 €, soit le double de celui de 2014, mais surtout 13 fois celui de 2013. Alors, ça donne envie d'aller creuser un peu plus loin et de regarder ce qui s'est passé entre 2013 et 2015. Effectivement, entre-temps, il y a eu la campagne pour les élections municipales de 2014 et la nouvelle stratégie de développement de l'entreprise qui va consister à se tourner plutôt vers les collectivités locales. En 2014, bon nombre de candidats aux municipales, de droite comme de gauche, ont axé une partie de leur campagne sur la sécurité et le sentiment d'insécurité. Et il suffit de regarder quelques vidéos où des élus présentent le dispositif. La plupart d'entre eux introduisent par « il s'agissait d'un engagement de campagne ». On a donc à la fois les protocoles de participation citoyenne, protocoles de l'État, et dont la mise en place des modalités concrètes reviennent aux municipalités, et puis des élus qui ont fait campagne sur l'insécurité. Dans les deux cas, la start-up Voisin Vigilant n'a plus qu'à contacter les municipalités pour leur proposer un fonctionnement clé en main. En pratique, le service mairie vigilante, c'est premièrement, l'accompagnement d'un expert dans la mise en place du dispositif. Aide au démarrage, aide au développement, formation à la plateforme, fourniture des supports de communication. Deuxièmement, un outil de communication réactif et performant pour transmettre des informations génériques ou des messages d'urgence par mail et SMS. Travaux, coupure EDF, activités communales, etc. Cet outil de communication vous permet également de recevoir toutes les alertes publiées par vos administrés et clairement identifiées. Troisièmement, une signalétique homologuée, dissuasive et personnalisable au nom de votre commune. Le déploiement du dispositif se fait en 30 jours. Il s'agit d'un process extrêmement bien rodé, éprouvé par 500 communes de toute taille. Un process durant lequel nous allons vous accompagner pour sectoriser votre commune, pour former votre équipe, pour mettre en place un plan de communication et pour implanter la signalétique. Grâce au suivi régulier que l'on va mettre en place tout au long de l'année, 30% de vos administrés deviendront cette année des voisins vigilants. La confusion que Voisins Vigilants entretient entre le dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur et les services qu'il propose leur profite grandement. À des municipalités, il n'y en a pas beaucoup, qui répondent qu'elles sont déjà dans le dispositif participation citoyenne, Voisins Vigilants fait croire que c'est complémentaire, ou bien ils se contentent de leur vendre des panneaux à 200 € pièce. Pour certaines villes, l'achat d'un panneau permettra à Voisins Vigilants de les compter parmi les 500 communes qui sont adhérentes. Bon, il y en a plus depuis que j'ai écrit la chronique, sans que celle-ci n'en ait jamais fait la démarche. Voisin Vigilant entretient tellement le flou que la gendarmerie, en charge de la création des réseaux participation citoyenne, commence à s'en plaindre. Dans un article du courrier Picard, en janvier 2017, on pouvait lire « Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre », dit le gendarme. « Participation citoyenne est un modèle complètement validé par l'administration au sens large. C'est un contrat entre la mairie, le préfet et l'autorité judiciaire. Nous sommes fortement impliqués car nous avons un contact privilégié avec le ou les référents, les syndics, hein, on rappelle. C'est un partenariat gratuit. Nous pouvons également orienter la municipalité en matière de sécurité, vers l'installation de caméras, par exemple. » Il poursuit. L'amalgame nous gêne. Oui, ça nous donne l'impression que le maire n'a pas compris. Ça ne sert à rien d'adhérer aux deux dispositifs. Ses administrés sont en droit de s'interroger sur la justification de ses dépenses publiques. La commune doit débourser 450 € par an, pour être membre du réseau Voisin Vigilant. Et ça, c'est juste avec le minimum, en ayant le minimum de services. Les tarifs annuels y vont de 250 € pour un petit village à 13 000 € pour une ville supérieure à 100 000 habitants. À ça, il faut ajouter les autocollants, parce que ceux fournis dans le kit de départ sont pas suffisants, les panneaux, 200 balles pièce donc, les SMS au-delà du forfait de base. Donc, il y a une ville qui se plaignait que, en fait, ils avaient arrêté le dispositif vigilant parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer de SMS, parce qu'après une alerte SMS, ils avaient dépassé leur forfait, ils étaient obligés de racheter du forfait à Voisins Vigilants et ça les ruinait. Il n'y a pas que les gendarmes qui vont commencer à se plaindre de ce dispositif. En région parisienne, lors d'un débat sur l'adoption du dispositif, Il y a un élu qui va râler notamment sur cette question des SMS et de la thune que ça leur coûte. La suite pour l'entreprise, c'est continuer à se développer en continuant à miser sur les municipalités. Un des start-upers annonce la couleur. Nos objectifs sur les années 2016 et 2017 sont de passer de 400 mairies clientes aujourd'hui à 1 millier de mairies clientes d'ici la fin de l'année 2017, passer également de 200 000 utilisateurs actifs à 1 million d'utilisateurs actifs, ça c'est pour les années 2016 et 2017, avant l'année 2018 où on prévoit notre développement à l'international. Parce qu'un truc que Voisin Vigilant a bien compris, c'est que pour continuer à développer le concept, il faut des relais locaux tels que les mairies pour aller convaincre celles et ceux qui restent réticents et n'y voient qu'un réseau social de la délation. En 2017, deux nouvelles marques sont déposées, Mairie Vigilante et Voisin Vigilant. Et Voisin Vigilant et Solidaire, pardon, qui remplace désormais la marque Voisin Vigilant. Mairie Vigilante, c'est pour que les mairies servent de recruteurs pour l'entreprise, donc pour recruter des indics. Et Voisin Vigilant et Solidaire, c'est pour rassurer celles et ceux qui n'y voient dans le dispositif qu'une incitation à la délation. Pour finir, comme si c'était pas assez flippant comme ça, je voulais attirer l'attention sur le fait que l'aboutissement de la plupart des startups qui fonctionnent bien, c'est leur rachat par des grands groupes du numérique. Et du coup, Voisin Vigilant racheté par Google ou Facebook, peut-être ça vous fait rêver, et nous, pas trop. Et pour finir, en 2017, quand on avait fait cette première chronique sur le dispositif, moi je me demandais alors si Emmanuel Macron, il allait racheter la plateforme pour l'offrir au ministère de l'Intérieur. Bon, en fait, la plateforme Emmanuel Macron, il a préféré la laisser à ses potes start-upers. Par contre, sa police de proximité, elle s'est largement inspirée de ce dispositif et peut-être on en rediscutera dans une prochaine émission. Des oreilles qui écoutent furtivement, y a des vasques fleuris accrochés à des potences. Juste en dessous des caméras de vidéosurveillance. Depuis que la mairie les ont montés, on se sent plus en sécurité. Y en a deux trois qu'on râlait, qu'aiment pas se sentir espionnés. Qu'a rien à se reprocher, en quoi ça pourrait le déranger. Bienveillant mais méfiant, on sait être accueillant, mais faut pas trop pousser. Frapper avant d'entrer, bien s'essuyer les pieds et demander la permission. Parce que si on est chez nous, on n'est pas chez des papous. C'est le respect, on veut pas être dérangé. On veut bien tendre la main, mais pas se faire une luxation. Y'en a quand même qui abusent, on la connaît la chanson. Ceux qui restent à rien faire, mais qui touchent des salaires. Bienveillant mais méfiant, on sait être accueillant. On a de l'hospitalité, mais faut savoir la mériter. On aime bien les voyageurs, mais qui s'arrêtent pas trop longtemps et qui savent se coucher à l'heure, qui laissent pas traîner leurs enfants. On a fait une association pour lutter contre les délinquants. On surveille les habitations, on est des voisins vigilants. Avec la recrudescence de la violence à la télé, on voudrait pas qu'une bande de Roms ait l'idée de venir s'installer. Le dernier qui est passé chez nous, de toute façon, ils sont prévenus, on a brûlé sa caravane, puis sous une vase qu'on l'a pendue. Ça fait une belle animation, faut bien avoir dans les villages. Des moments de convivialité comme au beau temps du Moyen-Âge. Bienveillant mais méfiant, on sait être accueillant, mais faut bien se méfier quand même. On a des yeux partout, montrer des sons pédigrés, traverser dans les clous, mettre le doigt sur la couture et puis le monde sera plus sûr. Avec les caméras on repère les inconvenants, ils se savent surveiller, ils sont beaucoup plus méfiants. Alors pour faire de la prévention, on fait des expéditions sauvages pour les corriger avant même qu'ils viennent perturber le village. Maintenant, ils font fait bon vivre dans notre petit village. cruelle bien propre, son église du Moyen-Âge. Venez donc le visiter, vous verrez comme c'est charmant. Mais venez pas attirer l'œil des voisins vigilants. Préparez vos fusils et créez vos milices, nostalgiques du tir et chasseurs sans gibier. Des fois que des loupards viendraient dans le quartier, suivez votre penchant, soyez de la police, à l'abri des volets de vos pavillons tristes. Meublez vos insomnies jusqu'au jour incertain, car la rue est peuplée de sombres anarchistes, de noirs, de portugais et de nord-africains. Vous, vous êtes français, français à part entière, même ancien combattant et parfois résistant. Et cet obscur chemin de torture et de sang, certains le referaient s'il était à refaire. Vous avez mérité avant le dernier souffle de vivre dans le calme et la tranquillité, d'endosser vos gilets, de chausser vos pantoufles et de fermer les yeux sur la réalité. Réalité déferle à votre porte, vous ne comprenez rien à sa vague rumeur, et vous confondez tout, parfois vous avez peur d'un signe avant-coureur que le vent vous apporte. Vous percevez des pleurs et des cris de souffrance, des chants de liberté, l'écho d'un attentat. Vous pensez que la guerre est encore loin de France, et vous faites confiance à votre chef d'État. Étudiants et voyous, c'est bien la même engeance. C'est écrit noir sur blanc dans votre quotidien. Faites dresser des murs et dresser votre chien. Pensez dès maintenant à votre autodéfense. Et quand des jeunes gens défilent en cortège, toujours on vous les peint veules et fainéants. Alors vous les reniez, vous tombez dans ce piège, en oubliant qu'ils sont enfants de vos enfants. Ils savent mieux que nous de quoi le monde crève, que le temps des robots vient à pas de géant, qu'on sacrifie l'esprit au profit de l'argent, comme on tue la nature et la joie et le rêve. Préparez vos fusils et créez vos milices, nostalgiques du tir et chasseurs sans gibier. Suivez votre penchant, soyez de la police, des fois que des loupards viendraient dans le quartier.